morphillard qui se pointe à les entards. Je me torpille dans toutes les gares, je fais mouhou. Maloko danse le pogo, Johnny Rotten et ses voyous. Suis le train à tout le monde. La Madonna des sleeping. Oh,